Aujourd'hui, Macron veut se repositionner. Il a oublié une chose, qu'il n'est pas malien, qu'il n'est pas algérien, qu'il n'est pas nigérien, qu'il n'est pas africain du tout. Donc, ils veulent se donner des moyens qu'ils n'en ont pas et ils ne peuvent pas avoir. Je vais remonter un petit peu jusqu'en 99. En 1999, M. Chirac et Tony Blair s'étaient rencontrés et il était question de créer une armée européenne en démarrant avec 60 000 personnes. Quelques temps après, c'est les Américains qui ont réagi et ça a tapé très fort. Tout le projet est tombé à l'eau. Afrique Média, le monde, c'est nous.